le contrôle social automatisé dans la plus grande opacité. C'est un compte-rendu fait par Hubert Guillot qui a assisté à la troisième séance du cycle de rencontres dématérialisées pour mieux régner, organisé par le Mouton numérique. Il a été à nouveau de question d'interroger les orientations politiques qui se cachaient derrière les outils numériques. Les technologies complexifient les démarches pour renforcer le contrôle et restreindre l'accès aux droits, rappelle Maud Barret-Bertoloni du Mouton numérique. Et c'est incontestablement le cas des technologies de scoring mise, qui révèlent en creux l'idéologie du gouvernement des pauvres que pratique la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Modéliser les comportements. Deux des membres de la Quadrature du Net, venus présenter le travail spécifique que réalise l'Association de défense des libertés fondamentales sur les questions de dématérialisation, rappellent que la Quadrature s'est longtemps battue contre la surveillance privée, la surveillance d'État et la surveillance policière. S'intéresser à d'autres formes de surveillance et d'administration est resté longtemps une préoccupation de basse intensité. L'intérêt est devenu plus manifeste quand on a rencontré quelqu'un qui a été radié parce qu'il ne souhaitait pas communiquer avec Pôle emploi autrement que par courrier papier, ce qui a permis à la Quadrature de rencontrer le collectif Stop Contrôle. Mais c'est le livre du sociologue Vincent Dubois, Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre, aux éditions Raison d'agir en 2021, qui a pointé l'ampleur systémique du problème. Les juristes et techos de la Quadrature se sont d'abord documentés pour comprendre quelle surveillance les techniques mises en place par la CAF impliquaient. À l'origine, la CAF a utilisé les données des allocataires pour construire des profils très fins afin de lutter contre la fraude. Elle a construit un profil type des fraudeurs et a cherché des correspondances, des ressemblances dans les profils de tous les allocataires, en les affectant d'un score qui, selon son niveau de correspondance avec le modèle, invite à approfondir le contrôle. Le problème consiste à savoir quels critères sont retenus par la CAF. Certains sont connus, ne pas être un ressortissant de l'Union européenne ou le fait d'être un parent isolé sont des critères de risque, mais de nombreux autres ne le sont pas. Voir l'édifiant récit de l'association suite à sa demande d'accès au code source du système de la CAF qui lui a été transmis, caviardé, rendant impossible l'identification des critères pris en compte pour le calcul. Cette production du contrôle n'est pas cantonnée à la CAF, rappellent les deux intervenants de la Quadrature. Elle existe également à l'assurance maladie, à l'assurance vieillesse, à l'administration fiscale, et Pôle emploi a beaucoup communiqué sur ses projets d'automatisation pour, entre guillemets, remobiliser les demandeurs d'emploi qui ne le sont pas assez actifs et actives. Ces outils se déploient partout. Ce sont les mêmes techniques que celles mobilisées par la Technopolis et notamment par la vidéosurveillance algorithmique. Là aussi, la détection de comportements suspects consiste d'abord à repérer des profils types depuis des paramètres préétablis. Cela consiste donc à la fois à rétablir des critères de normalité pour l'action policière et à accentuer la surveillance automatisée. Chaque institution a ses profils types de fraudeurs, de suspects, de risques. Quelles que soient les techniques, les idées sont les mêmes. Partout, les scores sont produits. Le problème, c'est qu'aucune règle pour les produire ne sont transparentes. Elles sont même particulièrement opaques en France. Et au final, les mêmes logiques produisent surtout, partout, les mêmes violences. La complexité des prestations multiplie la probabilité des erreurs. Une citation extraite, j'imagine, de la rencontre. La médiatisation récente du scoring des allocataires de la CAF, notamment dans l'émission Envoyée spéciale de décembre, passe assez mal auprès du grand public. Symboliquement, cette notation des gens est délétère, alors que la CAF s'empêtre dans ses discours de justification. Le scoring, après une phase d'expérimentation, a été généralisé en 2012, rappellent les deux intervenants de la Quadrature. Au début, la CAF a entraîné ses systèmes pour détecter la fraude, mais ils ne marchaient pas si bien, notamment parce que la fraude suppose de prouver l'intention. Par contre, elle s'est rendue compte que cela marchait extrêmement bien pour le calcul des trop-perçus. D'abord et avant tout, parce que la complexité des prestations multiplie la probabilité des erreurs. La CAF a étendu ses calculs à d'autres allocataires, notamment aux bénéficiaires du RSA, qui, parmi les prestations sociales, sont celles qui génèrent le plus d'erreurs, notamment parce que le calcul d'attribution des droits y est particulièrement complexe. Et la personne qui est en train de lire ce texte est très bien placée pour en témoigner. Bref, depuis des années, la CAF est le très bon élève de la lutte contre la fraude dans l'administration publique. Aujourd'hui, quand on leur dit qu'ils notent les gens, ils répondent qu'ils ne font que détecter des erreurs. Comme le système est opaque, la CAF peut imposer son vocabulaire, sa communication. D'où l'enjeu pour la Quadrature de sortir de la boîte noire en demandant l'accès au calcul afin de produire un contre-discours. Mais tant que cela reste une boîte noire, l'institution peut continuer à imposer les termes du débat. Le contrôle est différent selon les prestations et les catégories sociodémographiques, rappelle Maude Barret-Bertoloni. Oui, complète le sociologue Vincent Dubois, qui rappelle d'abord qu'il y a trois formes essentielles de contrôle. Le premier, celui qui nous intéresse ce soir, c'est le contrôle automatisé. Il repose d'abord sur l'échange d'informations entre administrations. Ce sont les différences repérées dans les données entre différentes administrations qui déclenchent une suspicion d'erreur de déclaration. Les échanges de données se sont démultipliés ces dernières années au gré de conventions bilatérales entre administrations dont il est très difficile de reconstituer les chevaux complexes, précise le sociologue. C'est ce qu'il nous avait expliqué en interview à la sortie de son livre Confer. L'article intitulé « Le calcul de risque, cette révolution industrielle de l'administration publique construite à notre insu ». Fin de la petite aparté. Complexité d'ailleurs qui empêche de mettre en visibilité publique ce type d'échange. L'efficacité de ces échanges a considérablement progressé avec la possibilité de croiser les NIR, le numéro de sécurité sociale des usagers, et Dubois de rappeler pour l'anecdote que la possibilité de ce croisement a été rendue possible par un amendement du député du Parti communiste Jean-Pierre Brard en 1995 et qui voulait que l'administration l'utilise pour lutter contre la fraude fiscale. À la fin des années 70, lors du scandale Safari, la menace était que toutes les données soient concentrées en un seul endroit. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Citation, c'est le croisement de données qui s'est imposé avec des données qui sont bien plus importantes, volumineuses et précises qu'elles ne l'étaient en 1978. Fin de citation. Le second type de contrôle qui existe, c'est le contrôle sur pièce, à la demande des agents. Et le troisième, c'est le contrôle sur place, l'enquête à domicile, qui mobilise des techniques quasi policières, voire plus intrusive que les enquêtes policières, puisque les agents de la CAF ont le droit de s'introduire à domicile, de procéder à des enquêtes de voisinage et procèdent à des interrogatoires des administrés. Et pour l'avoir subi, je peux vous dire que ça m'a traumatisé, d'autant plus que le contrôleur s'est trompé dans ses déclarations. Bref. Je reprends. Ces trois outils de contrôle sont intégralement appliqués en fonction des caractéristiques sociales des administrés. La plupart des familles, celles qui ont un foyer stable, un emploi stable, ne sont contrôlées qu'à distance. La plupart du temps, sans qu'elles le sachent. Les contrôles sur place, les plus intrusifs, sont réservés aux dossiers les plus complexes, c'est-à-dire aux allocataires les plus précaires. Le data mining, la fouille de données, est née, comme le disait la Quadrature, d'une pratique d'enquête régulière de la CAF qui a extrait 5000 de ces dossiers pour identifier les caractéristiques des dossiers frauduleux. Elle a mobilisé des statistiques prédictives pour modéliser les corrélations de ces dossiers et construire des modèles qu'elle applique ensuite à l'ensemble des dossiers des allocataires. Chaque mois, elle calcule des scores de risque et envoie les listings des dossiers signalés à ses agences pour qu'elle lance des contrôles adaptés. Les dossiers les plus scorés sont systématiquement contrôlés. L'outil de détection des risques qui sert donc au déclenchement des contrôles. Là encore, la différenciation sociale est forte. La CAF pratique le calcul à un haut niveau de sophistication depuis les années 90, produisant nombre d'indicateurs, depuis des objectifs de rationalisation de ces actions nombreux. Avant l'intégration du scoring, les contrôles reposaient déjà sur des ciblages a priori, des incohérences de situation surtout, comme un montant de loyer trop élevé par rapport à un revenu déclaré. Avec le data mining, on est passé à une déduction par les données mêmes des dossiers, ce qui permet à l'institution de se dédouaner. Citation, personne ne décide de contrôler les bénéficiaires du RSA, c'est la machine qui le dit. Voilà. Mais la question principale est de savoir pourquoi la technologie a un tel effet discriminatoire. Plus les situations sont précaires, plus les gens sont éligibles à des aides aux critères nombreux et complexes. Et le RSA est l'une des aides qui comporte le plus de critères d'attribution différents, explique Vincent Dubois. Assez logiquement, plus il y a de critères, plus les risques d'erreur, de retard, de décalage entre les documents à fournir sont élevés. En fait, explique Dubois, rien ne prouve que les bénéficiaires du RSA trichent plus que ceux des APL. Mais mathématiquement, parce que le RSA repose sur des déclarations trimestrielles et non pas annuelles, comme les APL, le risque d'erreur est multiplié par 4. D'où le risque de passer à des calculs de droits de moins en moins annualisés et de plus en plus en temps réel. Le score de risque est bien plus le fait de la technique que du comportement des allocataires. Ensuite, les personnes précaires par nature vivent dans des temporalités où tout est instable. La situation familiale, le logement, les revenus. Ils vivent davantage de changements de situation que d'autres, ce qui explique qu'ils aient plus d'erreurs et qui justifie techniquement le surcontrôle. On est là dans un art martial où la CAF utilise la faiblesse de l'adversaire pour mieux le renverser. Notamment parce qu'elle dispose d'une quantité et d'une précision de données sur les allocataires que nombre d'administrations ne disposent pas. En fait, comme Vincent Dubois le montre dans son livre, les contrôles croissent avec la précarité. À une exception près, ceux qui ne sont jamais en emploi, car ceux-ci ont moins de changements de situation. Alors là, j'ajoute une toute petite chose, c'est pas complètement vrai. Il y a une énorme pression sur les personnes qui ne sont jamais en emploi pour qu'elles en aient. Du coup, c'est pas le même type de contrôle, mais il y a un contrôle énorme aussi sur ces personnes-là. On a compris que les algorithmes étaient un alibi technique. Mais quels sont les objectifs de ces politiques ? Elle est d'abord motivée par une volonté de réduire les dépenses, interroge ingénument Maud Barret-Bertoloni. Pour la Quadrature, les aides sociales sont de plus en plus conditionnées. Dans les années 90, une volonté de restriction des droits pour limiter les dépenses publiques s'est mise en place, qui est allée de pair avec la diabolisation des personnes qui perçoivent des aides. Les algorithmes sont le reflet de ces politiques. En ciblant les plus précaires, ils reflètent d'abord la volonté de limiter l'accès aux aides. Depuis que l'idée de fraude s'est développée, le bénéficiaire doit être redevable de l'aide qu'il reçoit. La surveillance est le corollaire de l'aide, dans une longue tradition de la criminalisation de la pauvreté. Les pauvres coûtent-ils trop cher? Pour Bernadette Nantois, de l'APICED, et de l'association Changer de Cap, la surveillance des plus démunis est l'expression d'une logique néolibérale qui vise à réduire les coûts des dépenses publiques. Elle fait écho à la multiplication des obstacles pour accéder aux droits, aux législations pour les réduire. D'un côté, on affiche dans les discours la volonté de lutter contre le non-retour, c'est-à-dire contre le fait que des gens qui auraient des droits à faire valoir ne les réclame pas, mais de l'autre, on fait tout pour que ces non-recours perdurent. Pour Bernadette Nantois, la logique à l'œuvre est que les pauvres ont un coût et qu'ils coûtent trop cher. Vincent Dubois rappelle quelques ordres de grandeur. Le montant de la fraude détectée dans la branche famille est de 320 millions par an. Elle s'améliore régulièrement puisque plus on en cherche, plus on en trouve. Évidemment. La CAF évalue la fraude réelle entre 1,9 à 2,6 milliards par an. Mais ce chiffre ne représente que 3% des prestations versées par la CAF, toutes allocations confondues. Or, le seul non-recours au RSA dépasse largement les 3 milliards selon les estimations. On pourrait aussi regarder le travail non déclaré ou la fraude fiscale. Les ordres de grandeur sont d'une toute autre échelle. La fraude aux cotisations sociales est estimée entre 7 et 9 milliards par an. Quant à la fraude fiscale, elle est estimée entre 80 et 100 milliards. Les objectifs de ces politiques ne sont pas uniques, mais multiples, tempère Vincent Dubois. Sur l'objectif proprement financier, on constate que le contrôle ne produit pas tant de rentrées d'argent que ça par rapport à d'autres formes de fraude et de contrôle. Les travaux d'Alexis Spire ont montré qu'alors qu'on durcit les règles du contrôle social et qu'on élargit la définition de la fraude, on a allégé les règles du contrôle fiscal. On est passé de 500 à 700 contrôleurs dans les CAF, alors qu'aux impôts, dans le même temps, les effectifs ont décliné. La CAF produit enfin des indicateurs pour tout, sauf sur le coût du contrôle. Hormis sur le contrôle sur place, où la CAF a montré qu'il était bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il rapportait plus qu'il ne coûtait. La motivation du renforcement du contrôle sous principe qu'il assurerait une bonne gestion n'est donc pas probante. Cela n'a pas empêché la culture du contrôle d'essaimer partout. Un autre objectif pourrait être de favoriser le non-recours. Mais là encore, les objectifs politiques s'entremêlent et il est probable que ce soit leur conjonction qui les renforce sans qu'un objectif ne soit décisif sur d'autres. Le coût humain de ce que certains appellent la fraude. Reste à saisir les conséquences de cette politique sur les gens. Bernadette Nantois rappelle quelques chiffres. En 2022, la CAF, c'est 13,7 millions d'allocataires, plus de 30 millions de personnes concernées par les allocations de la branche famille, à savoir les allocations familiales, les aides au logement, les APL, et les aides de solidarité, le RSA, la prime d'activité et l'allocation adulte handicapé, dite AAH. Hormis le RSA, toutes sont des aides d'État. Hormis les allocations familiales, toutes sont versées sous conditions de ressources. Le RSA, prime d'activité et les AAH concernent 7,43 millions de bénéficiaires et sont calculés au trimestre quand l'essentiel des autres aides sont calculées annuellement. La CAF procède à une grosse collecte de données avec des informations provenant de l'URSSAF, de Pôle emploi, de l'assurance maladie, qui sont mises en écho avec les données déclarées par les bénéficiaires. Elles aussi massives. Les incohérences entre ces données sont nombreuses et pour de nombreuses raisons. D'abord, il y a des erreurs liées à des temporalités différentes, comme le fait de faire une estimation de ressources parce que sa feuille de salaire n'est pas arrivée à temps pour la déclaration et que ce salaire n'est ni régulier ni le même d'un mois sur l'autre. Les variations de ressources et les variations entre les déclarations et les données collectées déclenchent les contrôles, dès qu'il y a une différence de 50 à 100 euros. Le problème, c'est que l'allocataire n'est pas mis au courant d'un contrôle. Il ne l'apprend qu'à posteriori quand il constate que l'allocation n'est pas tombée le 5 du mois. La CAF procède à 31,6 millions de contrôles automatisés par an pour 13 millions d'allocataires. C'est donc un contrôle extrêmement important. Les contrôles sur pièce, c'est 4 millions de contrôles par an. Et les contrôles sur place, 106 000. Attention, ils sont inopinés, rappelle Bernadette Nantois, c'est-à-dire que l'allocataire n'est pas au courant du passage d'un contrôleur et si l'allocataire n'était pas à son domicile, la CAF considère que ce contrôle a été refusé. Précision rapide, ils sont généralement sur rendez-vous et dans de très rares cas, ce sont des contrôles inopinés, effectivement. Voilà. Le contrôle automatisé est donc massif et induit une suspension des droits qui peut durer des mois. Certains ménages subissent 2 à 3 contrôles par an. En Île-de-France, les contrôles et la suspension peuvent être déclenchés du fait de pertes de documents ou de délais de traitement trop longs. À Paris, en janvier 2023, la CAF traite des dossiers de juillet 2022. Pour déclarer leurs ressources trimestriellement, les allocataires doivent le faire en ligne, dans des procédures qui restent complexes aux gens. Les 3/4 des contrôles automatisés génèrent des suspensions préventives de droits, ce qui coupe toute prestation liée à des déclarations de ressources, comme l'AAH ou les APL. En moyenne, il faut 3 à 4 mois pour rétablir une suspension de droits si on ne passe pas par le contentieux. En attendant, pour les allocataires, c'est la spirale de l'endettement qui se met en place. Dettes de loyer, dettes d'emprunt auprès de proches, frais bancaires qui s'envolent. Les banques facturent 20 euros par refus de prélèvement. Ce qui plonge les gens dans des situations de profonde détresse. En cas de trop perçu ou d'indu, les allocataires n'ont pas non plus d'informations ni de notifications. On ne leur explique pas les modalités de calcul, pas plus qu'on ne leur propose de pouvoir rectifier malgré le droit à l'erreur. Les notifications, quand elles existent, sont sommaires et génériques et ne permettent pas de se défendre, même quand elles concernent des montants de retenue qui ne respectent pas le entre guillemets reste à vivre. Et les suspensions de droits qui durent des mois engendrent d'autres effets collatéraux sur d'autres droits comme l'obtention de la complémentaire santé solidarité. Et ouais. Pour Bernadette Nantois, une grande part des problèmes relève bien plus d'erreurs internes que de fraudes, comme c'est le cas des indus ou des trop perçus. Face à une suspension de droit, il faut faire une demande de motif qui donne lieu à aucune réponse. Il faut ensuite faire un recours amiable devant la commission de recours amiable qui ne répond jamais non plus. Au bout de 2 mois sans réponse, il faut aller au contentieux, au pôle social des affaires judiciaires. Le recours est censé être suspensif, même pour le RSA, mais en réalité, dans 80% des cas, ça ne suspend pas la suspension de droit, se désole Bernadette Nantois. Il faut bien sûr compter plusieurs mois pour avoir une audience, à moins de faire valoir une urgence. Et quand on en obtient une, bien souvent, elle est renvoyée, alors que la CAF déclenche un nouveau contrôle pour pousser les plaignants au désistement. Dans la pratique, très concrètement, des gens se retrouvent sans ressources aucune pendant 1 an. On le comprend, beaucoup d'allocataires sont dans les impasses, plaide Bernadette Nantois. À changer de cap, on tente de mobiliser au moins médiatiquement, mais aussi associativement, pour que de plus grosses associations qui sont présentes dans les instances de concertation prennent notre relais et pèsent par exemple sur les conventions d'objectifs et de gestion, les COG, les COG, qui sont en train d'être discutées pour établir la feuille de route de la CAF pour les 5 prochaines années. Notre travail, c'est de sensibiliser l'opinion et les gens aux problèmes, de créer des groupes d'entraide qui s'appuient sur des collectifs locaux. Changer de cap porte plusieurs revendications auprès de la CAF. Sortir de l'illégalité des pratiques, humaniser les relations en restaurant un accompagnement social de qualité, créer des postes, 2500 ont été supprimés entre 2017 et 2022, restaurer la transparence par la publication des instructions internes, organiser un débat public sur l'externalisation des traitements, associer les usagers aux interfaces pour les améliorer et en finir avec la diminution de la protection sociale. La solidarité à la source, le risque d'une surveillance sans limite. La Quadrature également continue sa mobilisation. Elle a demandé le code source du système de scoring, a saisi la CADA qui a dit que la demande était légitime. La CAF ressort le sempiternel argument que la transparence du calcul pourrait permettre aux fraudeurs de mieux frauder. Mais il faudrait que des gens puissent jouer de leur situation de précarité, ce qui n'est pas du tout le cas. On souhaite également s'intéresser à Cristal, le système qui calcule les prestations sociales, expliquent les deux intervenants de la Quadrature. Visiblement, c'est un système qui a plein d'erreurs, qui fait que certains droits sont refusés, quand ils ne devraient pas. La CAF est au courant du problème, notamment du fait des recours concentrés sur certaines allocations mal calculées sans qu'elle agisse. Enfin, l'inquiétude de la Quadrature porte désormais sur la lutte contre le non-recours, qui s'affiche désormais sous le vocable de « solidarité à la source ». Le problème de cette perspective, qui propose l'automatisation du versement des droits, c'est qu'elle nécessite une nouvelle inflation de la collecte des données. Elle implique une transparence totale par le chantage, puisqu'elle dit aux gens que vous n'aurez pas d'aide si vous n'êtes pas totalement transparent avec l'administration. Pour la Quadrature, cette interconnexion de données devient très problématique, notamment quand la police obtient des informations de l'URSSAF, de la CAF, de Pôle emploi, de la Caisse d'assurance maladie. Accéder aux données, c'est une citation, accéder aux données, c'est un pouvoir qu'on donne à l'État et qu'il nous faut trouver comment limiter. Fin de citation. Dans la discussion qui suit la rencontre, l'une des questions qui revient face à cette description cauchemardesque sonne comme un cri du cœur. Mais pourquoi font-ils ça? Nul ne semble comprendre la motivation profonde de ce déchaînement de violence administrative à l'encontre des plus précaires. Vincent Dubois le rappelle pourtant à nouveau, la motivation n'est pas financière. L'évaluation de la fraude ne fonde pas ces politiques, puisqu'il n'y avait pas d'évaluation de la fraude quand elles se sont mises en place. Par contre, la mise en scène d'une gestion rigoureuse, elle est très prégnante. En 1995, Juppé met en avant des pratiques abusives contre lesquelles il faudrait lutter. On peut accuser le néolibéralisme, mais en France, il apparaît en 1986, avec des personnalités politiques comme Alain Madelin. Or, à cette époque, personne ne parle de fraude sociale. Le discours à l'encontre des fraudes sociales monte avec les années 2000, mais c'est avec Sarkozy en 2007 que ce discours moral envahit la politique. Le projet de société de Sarkozy, c'est le travail, ce qui nécessite d'identifier et de dénoncer son exact contraire, l'assistanat et l'abus de prestations sociales. La stigmatisation permet, par ce contraste, de promouvoir le travail. Mais à nouveau, les logiques sont enchevêtrées. Le renforcement du contrôle, qui relève aussi d'un changement de rapport de force entre organismes, rend compliqué l'identification d'une logique unique. Mais surtout, il rend cette stigmatisation peu réversible. Les logiques politiques, morales puis médiatiques qui se sont imposées rendent ces orientations difficiles à critiquer et à renverser. Tout le monde semble convaincu que les gens abusent du service public et dire le contraire semble être devenu impossible. Un autre moment de discussion porte sur le non-recours. C'est assez récemment que le non-recours est devenu un objet de communication politique, rappelle Vincent Dubois, en faisant référence aux travaux de la sociologue Clara Deville, qui intervenait lors d'une séance précédente. Or, le data mining, utilisé pour identifier les fraudes, pourrait également être utilisé pour identifier le non-recours. Et on pourrait tout à fait construire des modèles pour lutter contre. L'idée pourtant ne séduit pas Bernadette Nantois. Citation. Quand on voit le niveau de dysfonctionnement de l'automatisation actuelle, On n'a pas envie de voir ce que donnera plus d'automatisation encore. Les allocataires ont souvent des alertes qui leur disent qu'ils ont droit à la prime d'activité ou à la prime de soutien familial. Mais d'abord, ce n'est pas toujours vrai. Et ensuite, bien des gens ne souhaitent pas demander certains droits, car ils savent que cela implique de nouvelles surveillances et ou que leur situation est compliquée, comme c'est le cas de la prime de soutien familial. Pour la quadrature, le non-recours vise surtout à mieux justifier un contrôle renforcé. Voilà 10 ans qu'ils auraient pu le faire, et jusqu'à présent, cela les arrangeait bien de ne pas le faire. Désormais, le non-recours risque surtout d'être la pilule pour faire accepter le scoring. Dans la foule, quelqu'un s'énerve. On est toujours le fraudeur d'un autre. Or, il n'y a pas de bon fraudeur ni de mauvais fraudeur. La fraude repose sur une logique travailliste qui nous pousse à travailler et contrôler. Moi, c'est à gauche que j'ai entendu parler du renforcement de la lutte contre la fraude, en oubliant totalement la lutte contre la logique de contrôle. Effectivement, la logique de contrôle a tout emporté avec elle, nous faisant oublier qu'elle était certainement bien moins productive socialement qu'une générosité qui repose sur la confiance. Voilà, c'est la fin du récit du compte-rendu de Hubert Guillot. Merci infiniment à lui. La prochaine réunion du mouton numérique pour le cycle de Dématérialiser pour mieux régner aura lieu le 2 février 2023 et portera sur le contrôle social en Europe. Les comptes rendus des séances du cycle Dématérialiser pour mieux régner précédents sont Dématérialisation et non-recours le 25 octobre 2022, Ce que la dématérialisation fait au travail social le 24 novembre 2022 et contrôle social automatisé dans la plus grande opacité, donc ce 19 janvier 2023, celui qui vient d'être lu. Je me demande si je ne vais pas faire la lecture des deux autres aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une longue lecture. Donc ces trois comptes rendus sont à retrouver sur le blog de Hubert Guillot. Donc c'est Hubert, Hubert, Guillot, Guillaud, les deux attachés, sans majuscule évidemment, chez WordPress, c'est wordpress.com, oui, wordpress.com. De toute façon, il y aura comme d'habitude tous les liens et plein d'autres ressources dans la description de la lecture chez archive.org. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.